Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 86. De l'état des corps des damnés après la résurrection. Si les corps des damnés ressusciteront avec leur difformité, qu'ils seront incorruptibles, mais non impassibles. 1. Les corps des damnés ressusciteront-ils avec leur difformité? L'apôtre a dit, les morts ressusciteront sans corruption. 1 Corinthiens 15:52. Les défauts du corps humain proviennent, tantôt d'une privation de quelques membres, ce qui n'aura pas lieu dans les corps des damnés, car Dieu veut qu'ils ressuscitent intègres pour être livrés tout entiers à la douleur, tantôt d'une infirmité naturelle ou d'une maladie, et, à cet égard, Saint Augustin a cru devoir laisser la question indécise. On est néanmoins fondé à croire que, voulant rétablir complètement le corps humain dans la résurrection, l'auteur de la nature en éloignera tous les défauts que la corruption ou la débilité y aura produits, sans supprimer toutefois, dans celui des réprouvés, les difformités qui, comme l'obésité et les autres semblables, seront provenus des principes universels de la création. Les justes en seront seuls délivrés par la résurrection glorieuse. 2. Les corps des damnés seront-ils incorruptibles? Dans ces jours, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas, ils voudront mourir, et la mort les fuira. Apocalypse 9, 6. Ceux-ci iront au supplice éternel, Matthieu 25, 46. Les corps sont affranchis de la corruption par deux causes, d'abord, par l'éloignement du principe capable de les altérer, et c'est ce qui aura lieu pour ceux des damnés lorsque le mouvement du ciel aura cessé et qu'il n'y aura plus aucun agent capable de les tirer de leur état ordinaire, conformément au plan de la justice divine, qui veut que la peine des réprouvés soit éternelle. En second lieu, un corps est affranchi de la corruption par la neutralisation des principes dissolvants, comme celui d'Adam, que la grâce de l'innocence mettait à l'abri de toute dissolution. Ceci sera le partage des corps glorieux, qui, totalement soumis à l'âme, réuniront les deux causes d'incorruptibilité. 3. Le corps des damnés sera-t-il impassible? Le corps, qui participe au péché, doit participer à la peine du péché, celui des damnés, que la justice divine dévoue à un supplice éternel, sera évidemment passible. Le mot passible ou passif implique toujours l'idée d'une chose reçue. Mais une chose est reçue de deux manières dans un sujet, matériellement et selon son être naturel, comme le feu dans l'air, spirituellement et d'une façon virtuelle, comme la blancheur dans la pupille de l'œil. À ces deux genres de réception correspondent deux modes de passion ou de souffrance, on peut appeler l'un passion naturelle ou physique, l'autre passion de l'âme. Le premier n'existera plus après la résurrection, pour aucun être, et, sous ce point de vue, le corps des damnés sera impassible, tout comme il sera incorruptible. Le second mode, appelé passion de l'âme, subsistera encore, et, selon ce mode, le corps des damnés souffrira. Loin d'altérer les sens, une telle passion rendra au contraire leur sensibilité plus vive, sans faire éprouver aucune altération à la constitution naturelle des réprouvés. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.